Yeah, mon nom c'est Charles, 35 piges, une femme de gosse, une baraque d'enfer. Un pur taf, un compte plaidé de quoi assurer nos arrière-nés. Avec une cuillère en ho-ho dans la bouche, je me suis battu pour me construire seul. Ouais, je sais, ça paraît louche. Je plains ces picots, ces carlouches qui se lèvent, se douchent. Avec la médiocrité, soir se couche avec l'illusion pour l'éternité. Bref, moi, je veux pas de cette vie là. Je vis dans luxe à sauver toutes mes envies entre mes appâts et ma villa qui me saoule pas avec leur humanisme à 2 francs. Quand je pète la vis, la première, je claque le PIB du Pakistan. J'aime prendre du bon temps, voyager, m'éclater, goûter au plaisir de la chair. J'ai ma conception de la fidélité. En gros, je me refuse rien si toi tu crèves la faim, je m'en fiche. Vas-y, ta gueule, je suis riche. Putain, je suis riche. Ouais, je suis riche. Ouais, je suis plein de gens rares. Ma vie, une vie en rose, tapissée de dollars. Chauffeur et piscine, tu vis, t'as une embourse et en course. Bref, un rêve quoi. Qui ne tutoie jamais mes cauchemars. Je suis riche, c'est vrai, je suis plein de gens rares. Ma vie, une vie en rose, tapissée de dollars. Chauffeur et piscine, tu vis, t'as une embourse et en course. Ouais. Bref, un rêve quoi. Qui ne tutoie jamais mes cauchemars. Un bon sportif du dimanche, j'aime le golf, les squats, les clubs de gym entourés de perles rares. Du stream, du clean, du paraître et de la frime. Tant que j'ai mon fric et que j'ai une pêche d'enfer, ça va. Un check-up annuel, question de savoir si réellement ça va ou pas. Et ce matin-là, place mon cœur, un pressentiment bizarre. Mes analyses tombent. Dans 6 mois avec la mort, j'ai rancard. Attendez, franchement, non, mais bon, je peux pas y croire. Moi, je suis riche, je peux m'acheter la vie et même lui laisser un pourboire. Mais attendez, là, c'est une plaisanterie, là. Écoutez, vous foutez de moi. Monsieur, je suis désolé, on a vous êtes désolé de quoi, mais on c'est a pas fait possible. Tout ce qu'on a pu. Écoutez, je comprends rien du tout, je suis pas concerné. Ça s'adresse pas à moi, ça. Ouais, je comprends ouais. pas. Je rentre chez moi avec ma mauvaise nouvelle et tout son bois. Avertis ma femme et mes gosses qui se mobilisent autour de moi. Les jours passent, déjà. Ce qui semblait être une impasse, laisse parler mon cœur. Fini les apparences, fini de faire parler les liens. Juste l'envie de vivre, l'envie d'être POL. Je tourne une page du livre, éloigne le temps où j'étais COL. L'argent a fait mon bonheur, mais ne contribue pas à maintenir en vie. Je serai pas là pour mes 36 piges, pour souffler mes bougies. Donc je réagis pour que mes pensées et mes actes soient liés. Fais des dons à travers le monde, un ghetto, la misère dans l'envie de crier. Oh le cauchemar, un sale cauchemar. Oh là là, oh, j'ai fait un cauchemar là, trop bizarre. Je rêvais que j'étais en train de mourir ou je sais pas trop quoi. Bon bref là, faut pas que je sois en retard pour mon golf. Allume la télé s'il te plaît. À 4h30 du matin. À 6h, nous mangeons du riz. Oh là là, regarde-moi là, c'est misérable, toujours en train de se plaindre. Bon, moi j'y vais sinon je vais être en retard. Bisous mon chéri. Putain, je suis riche. Ouais, je suis riche. Ouais, je suis plein de gens rares. Ma vie, une vie en rose, tapissée de dollars. Chauffeur et piscine, tu vis, t'as une embourse et en course. Bref, un rêve quoi. Qui ne tutoie jamais mes cauchemars. Je suis riche, c'est vrai, je suis plein de gens rares. Ma vie, une vie en rose, tapissée de dollars. Chauffeur et piscine, tu vis, t'as une embourse et en course. Bref, un rêve quoi. Qui ne tutoie jamais mes cauchemars.